franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'enlèvement et la libération d'Ingrid Betancourt. 2321 jours. C'est le temps qu'a duré sa détention par les FARC et les forces armées révolutionnaires de Colombie. Elle était alors candidate à la présidentielle de ce pays. De 2002 à 2008, pendant plus de 6 ans, Ingrid Betancourt est retenue en otage en plein cœur de cet enfer vert qu'est la jungle colombienne. 6 années sans liberté, 6 années loin de ses proches, 6 années de silence et de survie. Cette tragédie intime devient le miroir du drame colombien, celui d'un pays, plus vieille démocratie d'Amérique du Sud, plongé depuis des décennies dans un conflit sans fin avec les groupes armés, un affrontement marqué par la corruption et la violence sur fond de narcotrafic. La personnalité et le parcours d'Ingrid Betancourt braquent les projecteurs sur cette partie du monde. À travers l'action de sa famille et des comités de soutien, son destin revient au cœur de l'actualité pendant 6 ans, à intervalles réguliers. De son enlèvement à son incroyable libération, cette affaire se déploie sur plusieurs scènes. La jungle, cadre de la lutte solitaire d'Ingrid Betancourt, les médias et le combat de sa famille pour maintenir la pression sur les gouvernements, les coulisses, la diplomatie et les coulisses de la diplomatie. En seconde partie d'émission, nous recevrons Roméo Langlois, journaliste à France 24, auteur de plusieurs reportages sur la Colombie. Il a lui-même été otage des FARC en 2012. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maison avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Elisa Mar et Lucille Valéry. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Pierre-Yves de Rolin. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Il y a des batailles qui sont supérieures à la vie elle-même. J'ai 40 ans, je suis sénateur en Colombie, j'ai passé 20 ans en France. Et j'ai vécu très confortablement dans votre démocratie. Et je trouve que c'est indécent. Et je crois que la Colombie a besoin que des gens soient prêts à mourir pour que nous puissions nous en sortir de cette corruption qui a complètement envahi le pays. Et donc, je crois qu'il faut assumer. Je crois que c'est notre devoir et je pense que c'est le défi de notre génération. C'est en 2001 que la France découvre Ingrid Betancourt. En pleine campagne pour la présidentielle colombienne, elle vient présenter son livre « La rage au cœur » dans lequel elle raconte son histoire et son combat politique en Colombie. Au fil des pages, on découvre l'irrésistible ascension d'une passionaria, comme on dit en espagnol. Celle d'une femme à la trajectoire singulière. Elle est née dans une famille aisée à Bogota le 25 décembre 1961 d'un père ancien ministre de l'éducation et d'une mère ancienne sénatrice. Très tôt, la vie d'Ingrid est partagée entre la Colombie et la France. Lorsqu'elle est enfant, son père, Gabriel Betancourt, est nommé à Paris pour l'UNESCO. De retour en Colombie, elle repart en France après son bac pour étudier à Sciences Po. Elle y fait la rencontre de Fabrice Deloye, diplomate avec lequel elle a 2 enfants, Mélanie et Lorenzo. Désormais franco-colombienne, Ingrid Betancourt accompagne son mari au gré de ses différentes nominations à travers le monde. En 1989, elle décide de rentrer en Colombie pour se lancer en politique. Elle fait d'abord ses gammes au sein des ministères. Face à la corruption qui gangrène les gouvernements successifs, elle décide de se présenter comme députée, puis comme sénatrice. Élue avec un très bon score, Ingrid Betancourt poursuit son combat depuis le Congrès à coups d'action d'éclat, grève de la faim ou révélation d'affaires sensibles. Avec le temps, elle s'installe dans le paysage politique colombien. En 1998, elle fonde son propre parti, Oxigeno Verde. Elle est réélue sénatrice et décide de se présenter à la présidentielle de 2002. En pleine campagne, suivie par une équipe de journalistes de France 2, elle explique les risques encourus face à la guérilla des FARC. Si jamais la guérilla nous prend, ça fait... C'est pour eux quelque chose de bon dans le sens où ils auront plus de médias et c'est un gros coup, quoi. Donc il faut éviter. C'est ce qu'ils appellent les pêches miraculeuses. C'est-à-dire qu'ils font des barrages sur les routes, carrément. Et ils contrôlent l'identité de tout le monde. Et quand il y a, entre guillemets, des gros poissons qui passent, ils les prennent. Et évidemment, moi je suis ce qu'on appellerait un gros poisson. Depuis le début des années 60, le conflit qui oppose le gouvernement colombien aux forces armées révolutionnaires de Colombie a fait des centaines de milliers de morts et des millions de personnes déplacées. Dirigée par Manuel Marulanda Vélez, la guérilla marxiste, composée d'une dizaine de milliers de soldats, mène une lutte armée contre le gouvernement colombien pour obtenir une partie du territoire. Le groupe vit grâce aux narcotrafiquants à qui il assure une protection et aussi par le racket. Pour financer leur combat et asseoir leur position à la table de négociation, les FARC multiplient les enlèvements. Un nombre d'otages qu'on estime à environ 800 personnes en ce début d'année 2000. Il y a les otages économiques échangés contre une rançon et les otages politiques échangés contre des prisonniers guérilleros. Le conflit avec les FARC est donc une donnée essentielle de la politique colombienne, et encore plus lors de cette campagne présidentielle de 2002. Au cours de son mandat, le président sortant, Andrés Pastrana, a entamé un dialogue avec la guérilla qui a abouti à un accord. En échange d'une trêve entre les deux camps, les FARC ont obtenu le contrôle d'une partie du territoire colombien dans le centre du pays. Accord de courte durée, puisque la guérilla reprend ses actions militaires au début de l'année 2002. Au cours de sa campagne, Ingrid Betancourt part à la rencontre des FARC pour essayer de sauver le cessez-le-feu. Cette rencontre est diffusée sur la chaîne Sénal. Nous sommes à des années-lumière les uns des autres. La Colombie nouvelle que j'appelle de mes voeux est tout, sauf un pays où la guérilla produit de la cocaïne. Vous êtes entré dans la guérilla pour vous enrichir ? C'était votre objectif ? En luttant pour les pauvres ? Non. Il nous faut un geste, un seul, avant toute autre chose. Un geste d'humanisme, un geste de grandeur, un engagement sans détour. Plus d'enlèvements. Plus d'enlèvements. Que les FARC s'engagent à cesser les enlèvements et à libérer les otages. Deux semaines après cette rencontre, le 23 février 2002, Ingrid Betancourt est attendue pour un meeting politique à San Vicente. Située au sud-est de la capitale, cette ville est au cœur de la région démilitarisée accordée aux FARC dans le cadre du processus de paix. Mais la fin de la trêve menace directement la ville. Arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Florencia avec son équipe de campagne, les autorités ne lui accordent pas le droit de se rendre à San Vicente par avion ou hélicoptère. Ingrid Betancourt décide de passer outre les mises en garde et s'y rend par la route. L'équipe de campagne se sépare. Une partie du groupe ne souhaite pas suivre la candidate, trop risquée. Les accès terrestres pour rejoindre la ville sont tous sous contrôle des FARC. D'autres, en revanche, la suivent, notamment Clara Rojas, sa directrice de campagne et amie. Le petit groupe prend donc la route. Arrivé au kilomètre 42, il est arrêté à un barrage contrôlé par de jeunes guérilleros. Ingrid Betancourt décline son identité. Immédiatement, la tension monte d'un cran. Les guérilleros comprennent qu'ils tiennent en joue une personnalité politique de premier plan. Tout à coup, un bruit assourdissant éclate. Un jeune guerriero saute sur une mine. Et là, tout s'accélère. Le blessé est tissé à bord d'un véhicule où prennent place Ingrid et son équipe. Au bout de quelques kilomètres, la voiture s'arrête. Deux autres véhicules des FARC arrivent. Les hommes et les femmes sont séparés. Le lendemain matin, les hommes sont libérés. Ingrid Betancourt et Clara Rojas, elle, s'éloignent vers un interminable calvaire. Les autorités colombiennes ont du mal à cacher leur agacement. La police et l'armée avaient formellement déconseillé aux candidats présidentiels de se rendre dans la région du Caguán, encore partiellement sous contrôle de la guérilla. Les autres candidats ont respecté les consignes de sécurité. Mais Ingrid Betancourt est partie par la route et sans escorte. Elle est allée se fourrer dans la gueule du loup, commente un haut fonctionnaire du gouvernement. Il n'est pas le seul à soupçonner Ingrid d'avoir pris tous les risques dans le seul but d'attirer l'attention des médias. Ses collaborateurs, eux, rappellent que le maire de San Vicente appartient au mouvement d'Ingrid et qu'elle se devait de le rejoindre. L'inquiétude de ses proches n'en est que plus vive. L'annonce de l'enlèvement d'Ingrid Betancourt fait rapidement le tour du monde. Face à l'émotion internationale, le président colombien, Andrés Pastrana, parle d'un rapt de la démocratie. De leur côté, les FARC savent qu'ils viennent de réaliser un coup retentissant. Et leurs intentions sont claires. Ils exigent l'adoption d'une loi sur un échange de prisonniers contre la libération d'Ingrid Betancourt et de Clara Rojas. L'affaire est mal engagée. Ça sent l'enlisement, surtout qu'on est en pleine période électorale et qu'il faut attendre l'élection du prochain président. À des milliers de kilomètres de là, au cœur de la jungle, Ingrid Betancourt connaît à son tour le sort des centaines d'otages détenus par les FARC. Elle découvre cette prison à l'air libre, où le ciel et le soleil ne se distinguent que rarement, où les conditions climatiques sont étouffantes et humides, où l'environnement est particulièrement hostile. Les premiers jours sont marqués par de longues marches quotidiennes. L'unité en charge d'Ingrid Betancourt et de Clara Aurora s'enfonce dans la jungle pour échapper à l'armée colombienne. Plus de 10 heures de marche par jour, un rythme élevé, des nuits sous une moustiquaire, enchaînées avec pour seul couchage une paillasse sommaire. Les jours filent et pas à pas la civilisation s'éloigne. Un mois après son enlèvement, Ingrid tombe sur un article de journal tendu par l'un de ses geôliers. Une photo au-dessus de l'article montre un prêtre entouré de caméras. Ingrid Betancourt comprend immédiatement. Il s'agit de l'enterrement de son père. Gravement malade depuis plusieurs années, Gabriel Betancourt est décédé un mois, jour pour jour, après l'enlèvement de sa fille. Pour Ingrid, il y a désormais deux temps, deux mondes, celui de la vie et celui de la jungle, hermétiquement séparés. Le 15 mai 2002, les FARC tournent une vidéo d'Ingrid Betancourt. Elle est remise à la famille quelques mois plus tard. La responsable de cet enlèvement, c'est la guerre. Ce que je n'accepte pas en tant que Colombienne, c'est l'abandon de l'État, l'abandon du gouvernement, l'abandon politique des otages. Cette attitude est indigne d'une république démocratique. Même les États-Unis, si fermes dans la lutte antiterroriste, on négociait quand les otages sont tombés aux mains des Iraniens. Parce que la vie et la liberté de leurs concitoyens passaient avant tout. Après 6 mois sans nouvelles, la famille reçoit la première preuve de vie d'Ingrid Betancourt. L'ancienne candidate y est assise aux côtés de son amie Clara Rojas. Les deux femmes apparaissent physiquement marquées par les premiers mois de captivité. Cette preuve de vie confirme la ligne défendue par les proches d'Ingrid Betancourt, celle de l'échange humanitaire. Mais entre-temps, c'est Alvaro Uribe qui a remporté la présidentielle. L'ancien maire de Medellín, dont le père a été tué par les FARC, s'est fait élire dès le premier tour de scrutin, autour d'un programme résumé par le slogan suivant « Sécurité démocratique ». Au cœur de cette politique s'inscrit l'arrêt de toute négociation avec les FARC. C'est la force qui doit prévaloir. La situation est donc au point mort. Alors que la famille se tourne vers la France, surtout par la voix de l'ex-mari d'Ingrid, Fabrice Deloye, mais aussi de Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Raffarin, qui n'est autre que l'ancien professeur d'Ingrid Betancourt, devenu son ami. Le 29 novembre 2002, il se rend à Bogota pour rencontrer le président Uribe et le convaincre d'entamer des négociations avec les FARC. Sans succès. Face à l'inertie diplomatique, le Quai d'Orsay décide de prendre les devants. Tout commence au mois de juillet 2003. Ingrid Betancourt est retenue depuis plus d'un an. Et une source informe à la famille que son état de santé est critique. On lui dit qu'elle sera prochainement libérée. Un membre de la famille devra alors se rendre à la frontière de la Colombie et du Brésil. C'est Astrid, la sœur d'Ingrid, qui fait le déplacement. Elle prévient Dominique de Villepin, qui décide alors d'envoyer un avion militaire français à Manaus, au cœur de la jungle brésilienne. À son bord, des agents de la DGSE et un conseiller. Pendant 3 jours, oui 3 jours, ils attendent à Manaus, mais rien ne se passe. Surprise, les autorités brésiliennes finissent par appréhender l'équipe française. L'incident diplomatique est inévitable, côté brésilien, personne n'a été informé de cette mission. L'affaire est rendue publique quelques jours plus tard et Dominique de Villepin doit s'expliquer sur cette incroyable loupée. Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors on a un peu de mal à s'y retrouver dans toute cette affaire. Première question, est-ce que oui ou non, au plus haut niveau de l'État français, c'est-à-dire l'Élysée, Matignon, tout le monde était au courant de cette opération et de l'envoi de cet avion ? Bien sûr, les choses se sont passées comme elles se passent toujours dans ce genre de situation. le président de la République, le Premier ministre ont donné leur accord de principe et nous avons donc organisé une mission médicale, j'insiste. Et affrété cet avion qui était médicalisé. Un avion médicalisé qui s'est rendu donc à Manaus pour appuyer, je dis bien appuyer, à aucun moment il ne s'est agi de monter une opération. La Colombie comme le Brésil ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, enfin ils ne l'ont pas dit officiellement, mais ils ont dit tiens il y a un avion sur le tarmac, on n'avait pas remarqué. Enfin bon, est-ce que oui ou non la France a demandé l'accord de la Colombie et du Brésil? La caractéristique de ces missions, c'est d'être difficile. L'urgence, nous avons dû réagir en quelques heures. Bien évidemment, nous avons dû essayer de préserver la confidentialité le plus possible, dans l'intérêt même et à la demande de la famille. Dès que nous avons pu le faire, nous avons informé les gouvernements colombiens et brésiliens. Je les remercie de la compréhension dont ils ont fait preuve tout au long de cette mission. Mais après cette bévue, la France est mise sur la touche. 2 mois seulement après l'incident diplomatique, le 30 août 2003, la famille d'Ingrid Betancourt reçoit une deuxième preuve de vie. Dans cette vidéo, cette fois, l'otage est seul face à la caméra, elle est très tirée. Son discours également a changé. Ingrid s'inscrit désormais sur la ligne du président Alvaro Uribe. Oui, elle se déclare favorable à une intervention militaire pour la libérer, ce qui va contre la position défendue par sa famille et par la France. Depuis cet épisode, les FARC ne voient plus aucune preuve de vie d'Ingrid Betancourt. Après 1 an de captivité, c'est un temps encore plus long qui s'installe. Les deux mondes, celui de la jungle et celui de la vie, se tournent dos. Et entre les deux s'installe le silence. S'ils veulent prouver au monde entier, à l'Amérique latine, à l'Europe, qu'ils ne sont pas seulement des terroristes, qu'il y a quelque chose d'humain dans leur combat, eh bien, ils ont la possibilité que serait la libération de maman et Clara de faire quelque chose. Et encore une fois, ce que nous demandons, c'est une preuve de vie d'Ingrid. Est-ce qu'Ingrid Betancourt aujourd'hui est vivante? Et nous sommes profondément, terriblement inquiets. J'espère que ça va. Cet calvaire va finir très vite. J'espère que Dieu va nous aider. C'est aux FARC maintenant de dire très clairement si oui ou non ils veulent cet accord humanitaire. J'ai envie de leur dire, saisissez cette occasion. En ce moment de rassemblement, nos pensées vont aussi vers toutes celles et tous ceux qui sont détenus en otage à travers le monde. Je pense en particulier à Ingrid Betancourt. Thank you. De 2003 à 2007, pendant 4 ans, l'affaire Ingrid Betancourt entre dans une phase interminable, insupportable, celle de l'attente et de l'inconnu, surtout sans preuve de vie. C'est pendant cette période que la mobilisation s'intensifie. Sous l'impulsion de ses enfants Mélanie et Lorenzo, ainsi que de son ex-mari Fabrice Deloye, la captivité d'Ingrid Betancourt est de plus en plus médiatisée en France. Grâce au comité de soutien, de nombreuses actions sont initiées. Marche blanche à travers la France, portraits géants accrochés au fronton des mairies, drapeaux plantés sur les plus hauts sommets du monde. Des milliers d'anonymes, des dizaines d'artistes de personnalités apportent leur soutien. On organise des concerts au Zénith, on fait d'Ingrid Betancourt la citoyenne d'honneur de plus d'une centaine de villes à travers le monde. Son mari, Juan Carlos Lecomte, n'hésite pas à louer un avion pour lancer des milliers de portraits de ses enfants au-dessus de la jungle. Plongée au cœur des ténèbres, Ingrid Betancourt poursuit son calvaire. Je crois que la seule bonne chose, c'est ça. N'avoir envie de rien. Car ici, dans cette jungle, l'unique réponse à tout est non. Mieux vaut donc ne rien vouloir, pour demeurer au moins libre de désir. La vie ici n'est pas la vie. C'est un gaspillage lugubre du temps. Je vis, ou survis, dans un hamac tendu entre deux piquets, recouvert d'une moustiquaire et d'une tente qui fait office de toit et me permet de penser que j'ai une maison. J'ai une tablette où je mets mes affaires, c'est-à-dire mon sac à dos avec mes vêtements et la Bible, qui est mon seul luxe. Tout est prêt pour qu'on parte en courant. Ici, rien n'est à soi, rien ne dure. L'incertitude et la précarité sont l'unique constante. Ces mots écrits par Ingrid Betancourt dans une lettre envoyée en 2007 résument ce qui se passe sur l'autre scène de cette tragédie, celle de la captivité. Au cœur de la jungle, Ingrid vit toutes ces années dans un autre monde, constitué de survie, de violence et de peur. Au rythme des changements de camp, elle retrouve d'autres otages. Le sénateur Luis Eladio Pérez, retenu depuis 2001, mais aussi 3 Américains enlevés après elle. Une sociabilité propre au camp de prisonniers se développe, on noue des amitiés, mais aussi des rivalités. Comme seul contact avec l'extérieur, Ingrid a une petite radio grâce à laquelle elle écoute l'émission Las Voces del Secuestro, où des messages des familles d'otages sont retransmis en continu. Elle peut y entendre les voix de sa mère et de ses enfants, des voix qui changent, vieillissent au fil du temps qui passe, inexorablement. Face à cette situation, la volonté de s'enfuir est constante. À plusieurs reprises, Ingrid Betancourt et Clara Rojas tentent de s'échapper. Après leur deuxième échec, quelque chose se brise entre les deux femmes. Par la suite d'ailleurs, elles seront séparées. Clara tombe enceinte, fruit d'une relation avec un guérillero. Après chaque tentative de fuite, les sanctions sont terribles. Et c'est ainsi que le temps d'Ingrid Betancourt s'écoule au jour le jour, avec pour seul défi celui du retour. Une volonté qui, à mesure que les années passent, s'éloigne de plus en plus. Même en France, malgré la mobilisation des comités de soutien, on se demande parfois s'il n'est pas trop tard, si elle reviendra un jour. Il faut attendre l'année 2007, après 5 ans de captivité, pour que de nouvelles avancées voient le jour sur le terrain diplomatique. La France, la patrie des droits de l'homme, ne peut pas rester silencieuse. Bon, ces infirmières bulgares... Écoutez, les infirmières bulgares, vous vous rendez compte? Depuis 8 ans et 3 mois, ces pauvres femmes, et le médecin palestinien d'ailleurs, pour le même prix, on ne peut pas accepter ça. Ingrid Betancourt, il faut aller la chercher. Il faut faire pression sur le président Uribe par l'intermédiaire des États-Unis. Mais vous faites ça comment, Nicolas Sarkozy? Vous mettez tout ça en action comment? Écoutez, moi je pense que le discours, la parole, ça compte, et que la voix de la France, elle est entendue. Pour ça, il faut qu'elle soit audible. Mais on peut le dire en s'asseyant à la même table. On peut quand même poser des questions. On peut dire, voilà, il y a des choses qui nous déplaisent. En pleine campagne présidentielle, le candidat Nicolas Sarkozy fait de la question des otages, et notamment d'Ingrid Betancourt, une priorité. Quelques semaines après avoir été élu, il reçoit la famille d'Ingrid Betancourt à l'Élysée et assure qu'il mettra tout en œuvre pour la libérer. Il nomme une nouvelle équipe en charge du dossier et réactive les contacts avec le président colombien. De son côté, Alvaro Uribe a été triomphalement réélu en 2006 avec plus de 62% des voix. Face au problème des FARC, il continue la lutte par la force, notamment à travers le plan Patriote qui augmente considérablement les effectifs de l'armée colombienne. En 2007, coup sur coup, deux événements replacent l'affaire Bettencourt au cœur de l'actualité. Le 28 avril 2007, un jeune policier colombien, John Pichao, otage des FARC depuis 9 ans, parvient à s'échapper. Son témoignage est essentiel, car il affirme avoir vu Ingrid Bettencourt en vie quelques mois auparavant. Et c'est la première fois depuis 4 ans qu'on a des nouvelles d'elle. En décembre 2007, lors de l'arrestation de Guerrieros à Bogota, les autorités colombiennes récupèrent une lettre manuscrite, une vidéo et des photos d'Ingrid Bettencourt. Mais sur la cassette, cette fois, Ingrid ne parle pas. Elle reste figée, la tête penchée, les yeux baissés, les mains serrées. Une image qui bouleverse en France et en Colombie. La famille hésite entre soulagement et inquiétude face à l'état physique d'Ingrid. Maintenant, c'est clair, il faut absolument agir, trouver un moyen de la libérer. Or, un nouvel interlocuteur s'est invité à la table des discussions. Il s'agit d'Hugo Chavez, le président du Venezuela, dont les relations avec les FARC rendent les discussions, disons, plus favorables. Uribe, le président colombien, donne son accord pour qu'Hugo Chavez entre dans la négociation. Nicolas Sarkozy le reçoit à l'Élysée. On espère beaucoup de l'intervention du leader vénézuélien. Et le 10 janvier 2008... Enfin libre, cela faisait plus de 5 ans que les familles attendaient ce moment. Clara Rojas, ancienne collaboratrice d'Ingrid Bettencourt, avait été capturée le 23 février 2002. Au téléphone, le président Hugo Chavez. Monsieur le président, je vous remercie de tout mon cœur pour le soutien que vous nous avez apporté. Le président Hugo Chavez peut triompher, il a tenu ses promesses. On attend maintenant le même heureux dénouement pour Ingrid Bettencourt. La libération de Clara Rojas donne de l'espoir à l'ensemble des soutiens d'Ingrid Bettencourt. Elle donne aussi des idées aux autorités colombiennes. Et un plan commence à mûrir. Baptisée Opération Yaque, échec et mat en espagnol, la mission repose sur un scénario pour le moins original. Les services de renseignement colombiens parviennent à retourner un guérillero. Cette taupe leur permet de s'infiltrer dans les communications en train de nommer César, le gardien d'Ingrid Bettencourt, et Alfonso Cano, le nouveau leader des FARC. Les services de renseignement réussissent à envoyer des messages au nom d'Alfonso Cano et parviennent à convaincre César d'organiser un échange humanitaire entre les otages et les prisonniers des FARC. César doit regrouper tous les otages au même endroit où une ONG les emmènera en hélicoptère. Le plan est risqué, mais semble fonctionner. Car César croit vraiment que les ordres viennent de son chef. Bon, d'abord sceptique, Uribe, le président colombien, finit par donner son feu vert. Le 2 juillet 2008, des hélicoptères russes repeints en couleur de la Croix-Rouge, avec à leur bord une équipe de 9 hommes grimés en humanitaire, atterrissent dans une clairière où les attend le groupe d'otages, dont Ingrid Bettencourt et les guerrilleros emmenés par César. Les otages sont menottés, ils montent dans les hélicoptères, ainsi que César et l'un de ses lieutenants. Les appareils ont à peine le temps de décoller que les 9 hommes désarment les 2 guerrieros. Ingrid Bettencourt et ses amis otages comprennent qu'ils sont libres. Explosion de joie à bord des hélicoptères, la mission Yaque et son incroyable scénario ont parfaitement fonctionné. Après la confirmation du ministre de la Défense colombien, Nicolas Sarkozy, entouré de la famille d'Ingrid Bettencourt, peut à son tour annoncer la nouvelle. Mesdames et messieurs, ce soir, Ingrid Bettencourt est libre. Aujourd'hui s'achève donc un calvaire de plus de 6 années. Ingrid est en bonne santé. Mes premiers mots seront pour lui dire combien nous sommes heureux. Je voudrais, avec Bernard Kouchner, d'abord remercier le président Uribe, les autorités colombiennes, qui ont mené une opération qui a été couronné de succès. Et je voudrais dire aux FARC qu'il faut qu'ils arrêtent ce combat absurde et moyenâgeux. Et puis je voudrais dire à Ingrid qu'on l'embrasse, qu'on est fier de son courage, qu'on est très heureux pour elle. Il y avait une toute petite lueur d'espoir. Aujourd'hui, c'est une joie immense. C'est toute la France qui est heureuse de récupérer Ingrid Bettencourt. Et croyez bien que ce que je le dis du fond du cœur. Merci. Il Il faut attendre plusieurs heures pour Ingrid Betancourt arrive sur le tarmac de l'aéroport de Bogota, événement retransmis en direct dans le monde entier. Les 15 otages descendent de l'avion, embrassent leurs familles et les responsables politiques. Puis c'est au tour d'Ingrid Betancourt de descendre, lentement, de l'appareil. Après 6 ans d'attente, elle retrouve la vie, la vraie, loin de la jungle et de la captivité. Alors elle enlace sa mère pendant de longues minutes, puis téléphone à ses enfants, retrouve Clara Rojas, qu'elle embrasse, puis elle prend la parole. Merci à vous tous, à ma douce France. Merci de m'avoir accompagnée toutes ces années, de m'avoir pris la main, de ne m'avoir jamais laissé tomber dans les moments les plus difficiles, d'avoir toujours cru que, en luttant pour moi, même si la France paraissait si lointaine, nous réussirions tous ensemble à faire la différence. Je suis colombienne, mais je suis française. Mon cœur est partagé. Je vous remercie des luttes que vous avez données en ma défense, la protection et l'amour que vous avez donné à mes enfants. Je vais très vite être avec vous. Je rêve d'être en France. Je veux vous embrasser. Je veux vous dire que je suis là avec vous et je vous aime. La première destination d'Ingrid Betancourt sera la France, où une grande réception est organisée pour l'accueillir. La foule des anonymes, ces hommes et ces femmes de l'ombre qui se sont battus au sein des comités de soutien est réunie. Le grand public est frappé par la facilité d'Ingrid Betancourt à s'exprimer, oui, à faire face après tant d'années loin du monde. Pendant des semaines, elle fait la tournée des médias du monde entier. Elle raconte son expérience et son bonheur de retrouver la liberté. Mais au fil du temps, des voix dissonantes surgissent, notamment les récits contradictoires des autres otages qui n'hésitent pas à critiquer l'attitude d'Ingrid Betancourt pendant sa captivité. Des polémiques naissent sur les conditions de sa libération. On soupçonne le pouvoir colombien d'avoir payé César. Une piste rapidement enterrée face au succès de l'opération Yaque et du président Uribe. Reste à l'issue de cette histoire l'incroyable parcours d'Ingrid Betancourt, ces 6 années loin de tout, pendant lesquelles elle a tenu contre vents et marées pour montrer avec force et courage la voie des chemins parfois tortueux de la liberté. change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la captivité et la libération d'Ingrid Betancourt avec notre invité Roméo Langlois. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste à France 24, auteur de plusieurs reportages sur la Colombie. Et vous avez vous-même été otage des FARC en 2012. On en reparlera. Revenons d'abord sur le contexte colombien. Est-ce qu'on peut approfondir ce qu'on avait évoqué sur la guérilla des FARC et ce conflit qui durait depuis longtemps en Colombie? C'était quoi les ingrédients du conflit? On avait une force marxiste, révolutionnaire, qui voulait une partie du territoire, c'est ça? On avait en fait tout un secteur, on va dire, de la gauche colombienne, qui a choisi la lutte armée, considérant qu'il n'arrivait pas à faire entendre, par la voie légale, pour des raisons de sécurité, ses revendications politiques, notamment le partage des terres. Donc on a un conflit agraire, avec d'un côté une guérilla nationaliste, marxiste, qui demande notamment une redistribution des terres, plus d'investissement dans les campagnes, et de l'autre côté, un pouvoir, entre guillemets, oligarchique, très proche des propriétaires terriens, un conflit donc qui dure depuis 1964 et qui, surtout à partir des années 70 et 80, va être pénétré par le monde du narcotrafic et de la cocaïne, qui va infiniment complexifier les données du conflit. Et d'ailleurs, sur ce continent, d'autres organisations dans d'autres pays ressemblent un peu, je pense, au Sentier Lumineux, notamment au Pérou, où là aussi on a une guérilla marxiste qui semble fonctionner un peu sur le même système. Oui, oui. Même modèle, en tout cas. Oui, oui. Alors, il y a donc Ingrid Betancourt, alors qui, évidemment, au moment où elle est enlevée, déjà bien connue dans son pays, sinon elle n'aurait pas été enlevée. Comment elle était perçue par les Colombiens? Parce que c'était une femme qui avait un parcours singulier, elle dénotait dans sa manière de faire de la politique. On l'a vu distribuer du Viagra, par exemple, pendant une campagne, faire des actions d'éclat. Elle n'était pas favorite pour la présidentielle. Comment était-elle perçue? Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle n'était absolument pas perçue en Colombie comme elle était en France. En France, avec un certain emballement médiatique également, elle a tout de suite été vue comme une véritable icône. En Colombie, elle avait, entre guillemets, une forme de clientèle électorale, un certain appui dans une partie, une fraction intellectuelle issue du Parti libéral urbaine, mais c'était loin d'être un engouement populaire et un engouement national, cela est sûr. Alors, juste avant son enlèvement, l'accord d'autonomie d'une partie du territoire accordé aux FARC en échange d'un cessez-le-feu semblait sur la bonne voie. Il échoue. Pourquoi les FARC mettent-ils fin à cette trêve? On a quand même l'impression qu'ils ont obtenu à peu près ce qu'ils voulaient quand même. Officiellement, ce ne sont pas les FARC qui mettent fin à la trêve, c'est le gouvernement qui, après un énième enlèvement, déclare la fin des accords et surtout l'invasion, la reprise militaire de la zone grande comme la Suisse, hein, on se rappelle, qui de 98 à 2002 avait été confiée aux FARC afin de servir de cadre géographique aux négociations de paix. En fait, cette négociation donc, qui a duré 4 ans était un jeu de dupes de la part du gouvernement comme de la part des FARC. D'un côté, les FARC en profitaient pour renforcer leur appareil militaire, leurs organisations clandestines et pour développer la culture de la coca afin de prendre le pouvoir. À ce moment-là, la guérilla était extrêmement puissante. Elle pensait pouvoir un jour arriver à prendre Bogota, la capitale, et à prendre le pouvoir par les armes. De l'autre côté, le président de l'époque, Andrés Pastrana, faisait semblant de négocier. Effectivement, il négociait, mais en même temps, il laissait les milices paramilitaires d'extrême droite, donc liées à certaines factions de la classe politique traditionnelle, aux propriétaires terriens et aux trafiquants de drogue, prendre un maximum de territoire dans le nord du pays, multipliant les massacres, les disparitions, l'extermination, en quelque sorte, du mouvement ouvrier, du mouvement syndical. Donc, de part et d'autre, on savait très bien que ces négociations n'allaient rien donner. Le peuple colombien lui-même n'était pas dupe. Et les FARC ont multiplié les enlèvements. Le dernier enlèvement a justifié la fin de la part du gouvernement de ces négociations de paix. L'invasion, la reprise donc de cette zone démilitarisée qui appartenait, qui était contrôlée par la guérilla des FARC. Alors Ingrid Betancourt, vous dites, était plus une icône en France qu'en Colombie. Bon, j'imagine quand même que les FARC, eux, ils savent très bien qu'ils ont affaire. Ils se disent, pardon, hein, c'est un peu trivial, mais voilà, c'est une grosse prise, quoi, une prise de guerre pour eux. Est-ce qu'ils en sont conscients dès le début, ou est-ce que vous dites, bon, voilà, les candidats sont conscients de... Oui, alors je pense que sur le moment, il n'y a pas vraiment de calcul. Les choses se passent très vite. Hein. J'étais exactement sur cette route avec ma collègue de l'époque, Pascal Mariani, avec qui on travaillait notamment pour le Figaro à l'époque. À ce moment-là, c'est une décision militaire qui est prise par des chefs locaux. Mais effectivement, très vite, il y a un emballement médiatique qui a lieu, qui a cours, et donc immédiatement, très très vite, les FARC comprennent qu'enfin, ils ont une monnaie d'échange, un moyen de lever sur le monde, un moyen d'accaparer également l'attention médiatique internationale grâce à Ingrid Betancourt. Alors, on a du mal à imaginer ce que peut être une condition d'otage, parce que les conditions d'otage sont aussi différentes que finalement ceux qui détiennent, et puis les endroits où on est détenu. Hein. Et il se trouve que vous avez été détenu combien ? 33 jours, 33 jours. Comment ça se passe ? Je vous laisse un peu de temps, là, quand même, pour témoigner. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Est-ce qu'on voit l'issue ? Où est-on ? Comment vit-on ? Est-ce que la promiscuité est difficile ? Quels sont les problèmes ? Dites-moi tout ça. Alors, je tiens à préciser d'abord que j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas subi des conditions d'otage extrêmement difficiles, comme de nombreux autres otages colombiens. Dans mon cas, il est vite apparu que je serais rapidement libéré, sans exigence de la part des FARC. Ma condition à moi était particulière parce que j'étais blessé. J'avais été capturé lors d'un combat entre l'armée colombienne et les FARC. J'étais blessé par une balle de fusil, donc au bras gauche. Donc j'ai passé 33 jours avec le bras exposé, avec le bras gravement blessé. Cela dit, c'est extrêmement difficile. Donc 33 jours, ça m'a paru presque un an. Les journées dans la jungle sont interminables. Le harcèlement des moustiques est absolument permanent. À partir de 5h, 6h du soir, on vit dans le noir absolu. On ne sait plus où on est, on perd tous ses repères spatio-temporels. On vit confiné sous une moustiquaire, à l'abri des bêtes. On imagine bien sûr toutes les bêtes. On ne peut pas allumer la moindre lumière à cause des drones, à cause notamment des avions espions pour ne pas être repérés dans la jungle. On sait en permanence, on entend le survol des hélicoptères de combat de l'armée colombienne et on vit avec d'abord la peur d'y rester très longtemps, bien sûr, surtout chez une guérilla qui s'est fait une spécialité de maintenir certains otages jusqu'à 14 ans dans la jungle. Et une deuxième peur, c'est celle d'une opération militaire qui pourrait être menée par le gouvernement pour essayer de vous sortir de là, car on sait, à plusieurs reprises, la guérilla l'a démontré, qu'elle préfère abattre froidement ses otages plutôt que laisser libérer par l'ennemi. D'ailleurs, on est soi-même habillé comme un guerriero, on est obligé d'avoir une tenue militaire verte pour se fondre dans la jungle, et aussi car en cas de libération militaire, on sait qu'on pourra être pris par une éventuelle troupe d'assaut pour l'un des guerrieros et donc être abattu, ce qui sert à dissuader, c'est une autre manière de dissuader le gouvernement de tenter des opérations de sauvetage. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement dur, c'est interminable. On passe la journée à regarder les fourmis manger une feuille d'arbre, on passe des journées, on est en permanence déplacé, on marche, on ne dort jamais deux fois dans la même, ou très rarement deux jours de suite dans le même campement. C'est une expérience difficile. Et quel est le comportement des gardiens ? Comment ils se comportent avec vous ? Dans mon cas, ils se sont très bien comportés. Il faut dire que j'avais fait de nombreux reportages auprès des FARC. Ouais. Curieusement, paradoxalement, je connaissais un petit peu donc leur... je savais qui ils étaient, je savais comment leur parler, je parle l'espagnol, je connaissais très bien le pays, j'avais déjà interviewé de nombreux guerriers des FARC. Donc dans mon cas, ils se sont bien comportés. Après, bien sûr, de très nombreux otages ont raconté, alors pas des tortures, mais une forme de torture psychologique, des privations permanentes. Certains ont été enchaînés pendant très longtemps, c'est bien sûr extrêmement dur. Et on peut, comme à partir de votre témoignage, imaginer, alors, et même plus qu'imaginer, savoir quelles ont été les conditions de détention, pour le coup, d'Ingrid Betancourt. Oui, les conditions sont les mêmes à partir de 2002. Vous l'avez mentionné, Alvaro Uribe, représentant de la droite dure, arrive au gouvernement, arrive au pouvoir. Il lance le plan Patriote, une opération extrêmement offensive. Il multiplie les attaques contre les guerrieros. Donc les guerrieros qui avaient une relative tranquillité dans les années précédentes, eh bien à partir de ce moment-là, ils sont acculés, ils sont en déplacement absolument permanent, ils changent leur mode opératoire, ils passent à une guérilla mobile de manière permanente. Ce sont des conditions extrêmement difficiles, ils sont toujours en mouvement. Donc à partir de ce moment-là, eh bien la manière de mener la guérilla change complètement pour la guérilla des FARC. Que s'est-il passé entre Ingrid Betancourt et son amie Clara Rojas, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est difficile de le savoir, vraiment. Ouais. Il y a de nombreuses rumeurs qui sont sorties. Je ne sais pas s'il faut vraiment faire état de rumeurs. Non, Ce qui est sûr, c'est que l'amitié s'est rompue entre Ingrid Betancourt, entre Ingrid Betancourt et d'autres otages, entre d'autres otages également. Ingrid l'a dit, et de nombreux otages l'ont dit, ce qui s'est passé dans la jungle doit rester dans la jungle. C'est le choix qu'ont fait de nombreuses personnes qui ont vécu ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'image d'Ingrid Betancourt est sortie passablement écornée de cette épreuve. Oui. Alors, elle a essayé de profiter de sa situation pour avoir des traitements de faveur, choses comme ça? Certains l'ont dit. Bon. Bah écoutez, si ce sont des rumeurs, on va s'arrêter là. Nous, on s'intéresse aux infos. On va aborder à présent la libération d'Ingrid Betancourt. Bon, je passe sur l'initiative ratée de Mick de Villepin au Brésil, à moins que vous ayez d'autres informations. Enfin bon, sur le Brésil, non. On a compris sur que c'était sur l'élément brésilien. Voilà. C'était raté, quoi. Point. On va à présent aborder la libération d'Ingrid Betancourt, sur laquelle vous avez enquêté. Alors, le rôle de Nicolas Sarkozy dans la prise en main du dossier est important, évidemment. On va écouter ensemble une archive extraite de votre documentaire spécial investigation, titré Ingrid Betancourt, les coulisses d'une libération, co-réalisé avec Pascal Mariani et produit par Magnéto Presse en 2008. Pour la première fois, un homme parle devant votre caméra. Il s'agit de Noël Saez, l'émissaire nommé par Nicolas Sarkozy, en charge du dossier. Le président Sarkozy me demande de venir le voir, donc je vais à l'Élysée. Et il me dit, écoutez, donc moi je vous nomme comme mon émissaire spécial, mon émissaire personnel, et vous avez toute ma confiance. Donc le dossier était déjà pris en main à partir de maintenant par l'Élysée. Il était piloté par l'Élysée. On a compris d'entrée que les FARC étaient disposés à libérer des otages, notamment Ingrid, les femmes et les malades. C'était la décision qui a été prise. Ils voulaient se débarrasser de ce fardeau des otages, et notamment d'Ingrid. Mais l'exigence des FARC était que tout devait passer par Caracas. J'ai demandé à la demande du gouvernement français s'ils acceptaient de libérer tous les otages, que la France interviendrait auprès de l'Union européenne pour que les FARC soient radiés de la liste des organisations terroristes. À ce moment-là, une fois qu'ils sont radiés de la liste d'organisations terroristes, ils pouvaient très bien ouvrir un bureau à Paris, après tout. C'est pas interdit. Bon. Mais il fallait passer par là. Et oui, je leur ai proposé ça, oui, bien sûr. À la demande du gouvernement, je l'ai fait, oui, bien sûr. Les FARC voulaient se débarrasser des otages, ça devenait un poids, vraiment? Moi, je le crois. Je le crois sincèrement, pour avoir couvert ça depuis très longtemps. Oui, au début non, bien sûr, ils espéraient obtenir des avantages politiques. Ils ont très bien compris qu'en fait, Ingrid Betancourt, au début, c'était la condition de leur existence internationale médiatique. Mais petit à petit, le ramdam qui était fait autour de cette affaire, leur image absolument déplorable, leur pesait énormément. Donc les FARC, effectivement, je le pense, même s'il n'y a pas vraiment de preuves claires de cela, mais d'après tout ce qu'on a pu reconstruire, ils voulaient petit à petit libérer les otages. Ils avaient enclenché un processus de libération des otages. Le point d'orgue de ce processus aurait probablement été la libération d'Ingrid Betancourt, qui leur aurait permis d'arriver à nouveau sur la scène politique internationale comme mouvement armé qui se veut révolutionnaire. Mais il y avait en fait... tout le monde jouait de vitesse. D'un côté, il y avait Hugo Chavez, le président du Venezuela, donc socialiste, qui voulait utiliser Ingrid Betancourt pour arriver à avoir un certain crédit politique. De l'autre côté, il y avait Alvaro Uribe, qui lui détestait les FARC, qui pensait pouvoir les exterminer, en tout cas en finir militairement, et qui ne voulait surtout pas que les FARC finissent par libérer eux-mêmes de manière volontaire Ingrid Betancourt, car sinon ils revenaient sur le devant de la scène politique. De l'autre côté, il y avait bien sûr le gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui lui aussi voulait à tout prix obtenir à sa manière la libération d'Ingrid Betancourt. Donc de nombreux agendas en fait se télescoper, et celui qui a clairement gagné dans cette histoire, eh bien c'est Alvaro Uribe, puisque c'est lui, dans un premier temps, il a réussi à ravir les preuves de vie que les FARC avaient promis de donner à Chavez en 2007, en décembre 2007, si ma mémoire est bonne. La guérilla avait promis de donner des preuves de vie à Hugo Chavez, d'Ingrid Betancourt. Mmh. Eh bien, Nicolas Sarkozy, par un travail de renseignement, a réussi à détourner les preuves de vie, à capturer les guérilleros qui étaient porteurs de ce message. Donc, les preuves de vie ont été présentées, non pas par le gouvernement vénézuélien d'Hugo Chavez, mais par le président colombien Alvaro Uribe, qui a été un coup médiatique extrêmement important. Ensuite, quelques mois plus tard, en juillet 2008, alors que la France tentait d'accélérer par le travail notamment de Noël Saez qui multipliait les allers-retours dans les jungles de la guérilla avec un autre émissaire qui travaillait pour les Suisses, essayait de forcer la guérilla et bien à libérer de manière unilatérale les otages. Et bien à ce moment-là, le gouvernement colombien, à savoir Alvaro Uribe, le président de l'époque, et son ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, qui est aujourd'hui le nouveau président colombien, qui est aujourd'hui le président colombien, et bien ce sont eux qui mettent mettent en œuvre la libération militaire par un incroyable coup de bluff, une opération qui de renseignement. Qui correspond à ce qu'on a raconté. Si c'est pas, dites-le, allez-y. On connaît la version officielle. La version officielle consiste à dire que le renseignement colombien a télescopé, s'est immiscé à l'intérieur du système de communication de la guérilla des FARC et a donné à César, qui était le chef du front 1, du Frente Primero de la guérilla des FARC, des informations selon lesquelles il devait transférer les otages dans un hélicoptère qui serait affrété par le Venezuela. Oui. Cette information, je le pense, et de nombreux documents semblent le prouver, eh bien, est fausse. En fait, il semble que ce soit César, lui-même, le chef du front 1, qui en avait marre d'être lui-même, d'une certaine manière, également otage, puisqu'il était otage d'un système, quoi. Otage d'un système, otage des FARC, lui aussi, puisque lui, il passait depuis des années sa vie à courir dans la jungle en essayant de garder la captivité, de garder les otages, harcelé en permanence par des avions militaires, il n'avait plus de vie. Mmh. Donc lui, il semble qu'il ait cherché à négocier avec le gouvernement colombien, avec les États-Unis, à ne pas être extradé aux États-Unis, car les FARC détenaient aussi, outre Ingrid Betancourt, des citoyens américains. Il est entré en négociation, il a contacté il a envoyé des émissaires à Bogota qui ont rencontré un avocat colombien spécialisé en droit pénal qui, pour proposer une libération d'Ingrid Betancourt et en échange, bien sûr, la non-extradition aux États-Unis, une nouvelle vie, pas de peine de prison et une forte récompense puisque les États-Unis et la Colombie proposaient une forte récompense. Et il fait quoi maintenant, César ? C'est ça qui est intéressant. Il semble, là il n'y a pas encore de preuve ultime, mais il semble bien que César aujourd'hui soit sous une nouvelle identité aux États-Unis. Personne n'a de nouvelles de lui. Il a été officiellement extradé aux États-Unis, mais en fait il semble bien que César était à la base le complice de la libération d'Ingrid Betancourt et que sans lui, jamais Ingrid Betancourt n'aurait pu être libérée comme elle l'a, comme elle l'a été. Bah c'est intéressant. Dites-moi, je vous avez apporté des photos. Alors évidemment, les photos en radio, c'est pas ça qu'on va faire de descriptif. Et je vois César au pied d'hélicoptère. Alors, ça c'est juste après l'opération, c'est ça Oui. Et on voit César menotté. Il a un baillon sur les yeux. Voilà, il est pas en forme, hein. Il est arrêté. Effectivement. En fait, et puis on voit tous ceux qui ont participé donc à cette opération. Ils sont autour de l'hélicoptère. Bah, ils ont le sourire parce que ça a marché. Je ne sais pas qui sont ces quatre personnes. Ces personnes sont des membres des renseignements militaires qui donc ont tous se sont fait passer pour une ONG internationale qui serait venue faire un transfert d'otages dans le cadre d'une future libération. En fait, ils étaient tous membres de l'armée de terre colombienne. Bien, écoutez, merci infiniment Roméo Langlois pour toutes ces précisions passionnantes sur cette affaire que vous connaissez si bien. Merci d'être venu nous voir et nous informer. Merci, au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, Ingrid Betancourt, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous serons à Saint-Étienne pour rendre hommage à l'épopée des Verts il y a 40 ans, tout juste.